À Morogues, il n'y a que 420 habitants. Les murs du café-restaurant appartiennent à la mairie, mais le fonds de commerce a été racheté par l'association La Maison des Vies Locales, qui veut en faire un lieu de partage. Vous pouvez y venir comme simple client, mais aussi vous investir dans le lieu pour le faire vivre et pourquoi pas venir par exemple y cuisiner. Lou et Elodie, les deux animatrices du café au gré des ouches. S'il y a une recette qui nous plaît, on peut venir la proposer ici. Les conditions, c'est d'être adhérent à l'association et d'avoir eu une petite formation sur les normes d'hygiène et les savoir-faire. L'idée, c'est que en fait, les personnes adhèrent et participent à faire vivre le projet associatif. Le café pourra accueillir des spectacles, des ateliers, un vrai espace de vie sociale qui est d'ailleurs subventionné à ce titre par la Caisse d'allocation familiale. Marie, une habitante de Morogues, vient d'adhérer à l'association. Mon mari avait très très très hâte que le restaurant rouvre pour, voilà, le soir on rentre du travail, on va boire un coup, on croise les gens du village, ça déjà c'est niveau ambiance et vie, c'est vraiment chouette. Et puis moi je suis aussi pas mal attirée par le travail participatif, mettre en commun les efforts de chacun, voilà, pour être un petit peu plus efficace et puis travailler ensemble aussi, c'est quand même plus sympa. Moi je serais plutôt du genre à mettre la main à la pâte, participer aux ateliers. Je suis naturopathe donc je peux donner des petits conseils pour essayer d'aider la santé au naturel. En septembre, un espace de coworking avec ordinateur et imprimante 3D ouvrira. Fanny Lancelin de l'association La Maison des Vies Locales. Ça peut être le lieu où on vient avec les amis boire un café, mais aussi le lieu où on vient travailler parce qu'il y a un petit bureau mis à disposition avec ordinateur, outil de travail qu'on mutualise. Et puis ça peut être aussi un lieu de loisir si on a envie de prendre un jeu de société, se mettre sur la terrasse et jouer avec ses amis ou des gens de passage qu'on ne connaît pas. Un esprit collectif à l'image un peu de mai 68, une comparaison que ne rejette pas Fanny Lancelin. Ce qu'on voudrait simplement, c'est qu'il y ait d'autres modèles existants que le modèle dominant. Et ça, peut-être que ça peut paraître post-68, mais dans le côté positif des choses, voilà. J'ai envie de dire. Au gré des ouches accueillera son premier spectacle le 7 juin du théâtre sur le thème de l'obsolescence programmée de nos équipements. C'est dans le village de Morogues, au nord de Bourges.